seul envers et contre tous. Il parle seul et sa voix est si douce. On l'isole, mais il n'a rien fait. On l'isole, alors il se tait. Il parle tout seul, mais il ne l'est jamais. Les autres s'invitent souvent dans son reflet. On lui colle toutes les solitudes. On l'isole. Et qu'est-ce que ça change? Et qu'est-ce que ça change? La folie d'un ange. Et qu'est-ce que ça change? Jamais. On l'isole. Et qu'est-ce que ça change? La folie d'un ange. Qu'est-ce que ça change?